Ça va, tu tiens le coup? Pas trop mal, quelqu'un qui pisse des lames de rasoir. Colère ou fatigue, j'ai enchaîné les faux départs. Paris c'est trop l'air glace, c'est pas pour la ligne que j'odère pas. La tête sous l'eau, dans les dos on a les crocs mais on tend pas la main. Rentre pas dans le fond, tu vas te faire gonfler comme ta pâte à pain. Plein d'être contrôleur, comme les couloirs de la 4. Ici le péché s'achète, en menu ou à la carte. Pas de solution, à tout des professeurs, à bout. Dites-moi les mecs, quelle est votre profession? En deux temps, trois mouvements pour un cachet. Tu changes de camp, t'es comme les putes et les platanes. T'es fait pour qu'on rentre dedans, y'a que les grands bâtards qui accourent. J'envie les campagnards, tellement de bananes. J'suis à bout, faut que j'me tatoue le plan de Paname. J'attends la fin tellement chien, il faut que j'arrête, ils vont me piquer. J'rigole quand ça va mal et j'me confie à mon briquet. Ma ligne est verte, j'amène du flow rap métronome. Encore un son qui sort du lot, signé Hugo, un mec hors norme. Du printemps à l'hiver, la mort fait des ristos. La ligne verte, quelques mesures grattées au fond de la ligne douce. La ligne verte, on n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça. La ligne verte, on pousse en intérieur dans des bâtiments sales. Du printemps à l'hiver, la mort fait des ristos. La ligne verte, quelques mesures grattées au fond de la ligne douce. La ligne verte, on n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça. La ligne verte, on pousse en intérieur dans des bâtiments sales. Dans le quartier, font que se taper, ils veulent palper, bande de tartés. Le D4, c'est pas le format d'une feuille papier. Ils foncent dans le mur comme Ayrton, après l'argent des vrais tocs. Ils te rétorquent, braquer c'est pas grave si c'est des airsoft. Le rap, ils y croient plus, en plus la cité embauche. Ils critiquent les capitalistes, on est les mêmes mais en pauvre. Alors je m'isole, j'évite la banquette, je préfère les strapontins. Deux spies comme un gofas, je fais un saut de rail si je rate mon train. Tous ignorants, on nous dit rien donc on emmerde le maire. On voit c'est des infos, Jean-Pierre Pernaud nous parle du miel de presse. Pris pour des cons, confession intime, toute une histoire. Je me sens visé comme la mouche dessinée dans l'urinoir. Mon territoire décrit sur une prod de Charoutos. Peut-être qu'un jour tu me comprendras, mais il faut que t'ailles jusqu'à l'outro. Le terminus, porte de la chapelle où on vend de l'herbe qui tue. Aucune certitude, j'enchaîne les verres dès mon réveil, je titube. Du printemps à l'hiver, la mort fait des ristos. La ligne verte, quelques mesures grattées au fond de la ligne douce. La ligne verte, on n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça. La ligne verte, on pousse en intérieur dans des bâtiments sales. Du printemps à l'hiver, la mort fait des ristos. La ligne verte, quelques mesures grattées au fond de la ligne douce. La ligne verte, on n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça. La ligne verte, on pousse en intérieur dans des bâtiments sales. C'est comme si j'avais des pots de verre dans ma tête tout le temps.